un an d'essai, la nouvelle collection imaginaire d'Albin Michel, une collection dirigée par Gilles Dumay après près de 20 ans à avoir mené de main de maître une autre collection, Lune d'encre chez De Noël, où il y avait publié entre autres Robert Charles Wilson, Christopher Priest, Ian MacDonald, mais aussi Catherine Dufour ou Norbert Merjanian. Gilles Dumay, qui sous le nom de Thomas Day a également publié une douzaine de romans, plusieurs recueils de nouvelles et des bandes dessinées dans des univers noirs, violents, souvent sexuels, qui vont du Japon médiéval à l'Afrique en passant par le steampunk, Sherlock Holmes ou Lovecraft. Mais Thomas Day, c'est le programme 2 en 1 qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Gilles Dumay. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très content de vous avoir au micro de la méthode scientifique. Aujourd'hui, on vous retrouve dans une dizaine de minutes puisqu'on commence, comme chaque jour, par un JDS, comme 2 en 1 aussi, science et science-fiction aujourd'hui, avec le camarade Antoine Beauchamp. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec une enquête épidémiologique qui vient d'être ouverte dans le Jura après plusieurs cas de cancer pédiatrique. Oui, cette enquête, elle a été déclenchée dans le Jura après le recensement de 10 enfants âgés de 6 mois à 13 ans touchés par un cancer dans 5 communes voisines, Morez, Morbier, Les Rousses, Saint-Pierre et Prémanon. Alertée par un signalement, l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a donc décidé d'ouvrir une enquête épidémiologique pour déterminer avec autant de précision que possible les causes de ces cancers. On rappelle qu'il y a un mois tout juste, dans le département de l'Eure, une enquête similaire était ouverte par l'agence santé publique France, toujours pour des cas de cancer pédiatrique et toujours dans un périmètre restreint. Pour Catherine Hill, qui est épidémiologiste, biostatisticienne et spécialiste à l'Institut Gustave Roussy de l'étude de la fréquence et des causes du cancer, il ne faut pas attendre de miracle de cette étude. Il n'y a pas beaucoup de cancers chez les enfants en France. On estime qu'il y en a à peu près 2200 chaque année chez les enfants et adolescents. Et il y a plus de 350 000 cancers chaque année en France. Donc 2500, c'est une toute petite partie. Ça veut dire que les cancers sont très rares chez les enfants et les adolescents, mais quand même pas si rares qu'il ne puisse pas y avoir 2 ou 3 cas dans la même petite ville. Donc si chaque fois qu'on fait une alerte en disant il y a 2 ou 3 cas dans cette petite ville, il faut faire une enquête, on va pas s'en sortir. Et en plus, on n'a pas d'hypothèse sur des causes. Ces cancers sont des leucémies, des tumeurs cérébrales, et puis une collection de cancers solides très rares. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le signalement qu'il y a eu quelques cas? Et puis quand on commence à chercher les cas, on va agglomérer les cas dans le temps et dans l'espace. On va dire, ah mais il y a aussi ce cas-là qui est à 10 km, il y a aussi ce cas-là qui est à 23 km. Du coup, on se retrouve avec une collection de cas dont on ne sait pas quoi faire. Les parents vont être très frustrés parce qu'on leur dira, finalement, on ne sait pas la cause. Si on veut étudier la cause des cancers dans l'enfance, il faut étudier la cause des cancers dans l'enfance à l'échelon du pays. Et encore 2200 cas, c'est pas beaucoup, donc il faut faire à l'échelon du pays pendant plusieurs années. Et bon, on fait justement des registres des cancers. On enregistre tous les cancers chez les enfants pour pouvoir faire des études. Il faut avoir une hypothèse, parce que sinon, on va poser à ces 15, 3 familles, 7 familles, 8 familles, des quantités industrielles de questions. Et bien sûr, on va trouver des coïncidences. C'est comme pour les bébés sans bras, on va trouver qu'ils ont acheté le même linoléum ou qu'ils utilisent le même antipoux ou Dieu sait quoi. Et ensuite, on ira regarder ailleurs et on s'apercevra que c'était une coïncidence, mais qu'ailleurs, il n'y a pas de problème avec cet antipoux, etc. Donc, c'est produit des faux positifs, des résultats qui sont anecdotiques et jamais confirmés. À noter que nous avons tenté de contacter Santé publique France qui n'a pas donné suite à notre demande d'entretien. En bref, le mystère des étoiles hypervéloces aurait été résolu. Ces étoiles se déplacent en moyenne 10 fois plus vite que les autres étoiles de la Voie lactée et on ne savait pas pourquoi. L'étude de l'une d'entre elles, baptisée S5HVS1, qui se déplace à 6 millions de kilomètres par heure, confirme une théorie selon laquelle elle aurait été catapultée par le trou noir supermassif au centre de notre galaxie après s'en être un peu trop approchée. C'est la première fois que ce mécanisme de Hills est observé avec précision. En bref, toujours pour les peintres préhistoriques, comme pour Omar Sharif d'ailleurs, les chevaux étaient une grande passion. Et on se demande bien pourquoi. Une base de données regroupant plus de 4700 peintures paléolithiques, allant de moins 30 000 ans à moins 12 000 ans, montre qu'un animal sur trois représenté est un cheval. Et alors que tous les autres animaux sont généralement représentés de profil, la tête tournée vers la gauche, les chevaux sont quant à eux majoritairement représentés avec la tête vers la droite. Sans parvenir à une interprétation définitive, Georges Sauvet, le responsable de l'étude, avance que les chevaux, des animaux rares en ces temps lointains, pourraient avoir une position particulière dans l'imaginaire, voire la spiritualité de nos ancêtres préhistoriques. Cette semaine, dans le Journal des Sciences, il a été question de l'utilisation de CRISPR-Cas9 dans la lutte contre le cancer, de la découverte d'un mécanisme cérébral inconnu pendant le sommeil, des variations d'oxygène inexpliquées sur Mars ou encore des rayures de tigre d'Encelade, mais également dans l'actualité des sciences. Cette semaine, Antoine est en ultra bref. Des chercheurs de l'université de Tübingen suggèrent que, contrairement au cliché, la société viking aurait été plus égalitaire que ce qu'on croyait et que les femmes y auraient eu une place aussi importante que les hommes. On peut retrouver cette analyse dans la revue Economics and Human Biology. Qui n'a jamais éprouvé pitié ou dégoût, ou pitié et dégoût pour un pigeon boiteux privé d'un ou plusieurs doigts? Selon une étude publiée dans la revue Biological Conservation et menée par des chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle, les pigeons des villes sont bien souvent amputés à cause des déchets urbains, en premier lieu par des cheveux et non pas à cause de maladies. Enfin, hier, un amendement au projet de loi Finances 2020 a été adopté discrètement et sans débat par l'Assemblée nationale. Les produits à base d'huile de palme continueront à bénéficier d'une exonération fiscale jusqu'en 2026, alors que cette exonération devait prendre fin le 1er janvier prochain. Ce vote fera plaisir à la firme Total, qui avait contesté en vain devant le Conseil constitutionnel l'exclusion de l'huile de palme de cette liste des biocarburants. Et comme un vendredi sur deux, on passe au journal de la SF avec cette information, Antoine, une intelligence artificielle qui peut prédire quand vous allez mourir, mais pas exactement pourquoi. C'est ce que rapporte une importante analyse de données réalisée par des chercheurs de Geisinger, un prestataire de soins de santé en Pennsylvanie. Les chercheurs ont en fait analysé à une intelligence artificielle les résultats d'1,77 million d'électroencéphalogrammes, soit les enregistrements de près de 400 000 patients. Les résultats de cette analyse, qui seront présentés demain au congrès de l'American Heart Association à Dallas, montrent que l'intelligence artificielle a été capable de prédire avec précision le risque pour certains patients donnés de mourir dans l'année et même de déceler des problèmes cardiaques que les cardiologues n'avaient pas encore identifiés. Écoutez Nicolas Duchâteau, il est maître de conférence à l'université Lyon 1 et membre du laboratoire Creatis. Il travaille justement sur ces questions d'intelligence artificielle en lien avec la santé cardiovasculaire. Ce que je trouve assez spectaculaire, c'est surtout la quantité de données qu'ils ont réussi à rassembler. Quand on regarde un peu les études médicales, on est plutôt de l'ordre du millier, voire 10 000 pour des très grosses études. Et là, c'est une étude qui est sur de l'ordre de 100 000 patients, un peu plus, et qui analyse de l'ordre du million de signaux d'ECG, électrocardiogramme. Donc c'est plutôt ça qui est assez spectaculaire. Et par ailleurs, le résultat qui est annoncé, c'est que la prédiction de la survie est bien meilleure que ce que font les experts avec des attributs qui sont extraits à partir de ces signaux. Alors, ce que ça laisse augurer, ces études, c'est que, premièrement, ce sont des choses qui vont exploser en termes de résultats, c'est-à-dire qu'on a maintenant accès à des capacités de calcul qui sont bien supérieures à ce qu'on avait avant, des bases de données de plus en plus grandes et structurées, donc ça ne peut qu'accélérer le recours à ces techniques, et donc la prédiction d'événements qu'on n'arrivait pas à réaliser avant. Après, il y a un autre penchant, c'est qu'on n'arrive pas encore bien à faire. Ça, c'est peut-être un petit peu le revers de la médaille, c'est qu'on produit des résultats qu'on n'est pas encore tout à fait capable d'expliquer. C'est-à-dire que ces techniques, les réseaux de neurones, sont un peu mystérieux encore. On est assez confiant des résultats en termes de prédiction, mais tout ce qui touche à l'interprétabilité, le retour vers les cliniciens pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui s'est passé, ça laisse augurer aussi pas mal de recherches là-dessus pour la suite. Il y a quand même plusieurs barrières à franchir qui sont un peu celles du savoir clinique. Pour l'instant, les machines, elles sont assez bêtes, binaires, on va dire. Ce sont des modèles. Et le savoir clinique, lui, c'est beaucoup de données, beaucoup de savoir, beaucoup d'incertitudes aussi sur les résultats et une capacité de généralisation que n'ont pour l'instant pas les machines. En bref, des chercheurs ont mis au point un hologramme qui ressemble fort à ce qu'on trouve dans Star Wars. Il s'agit d'une prouesse réalisée par des chercheurs britanniques qui ont mis au point un système holographique tactile. Les résultats parus dans Nature montrent comment ce système de visualisation holographique en 3D du son a pu être réalisé. La recette est presque simple. 512 haut-parleurs miniatures disposés de façon à former un cube creux émettent des ultrasons capables de produire des courants d'air à basse pression et permettent à une perle de polystyrène de l'éviter. Est-ce que tout le monde suit? Moi, bon, ça va. On va mettre aussi la petite vidéo sur le très Twitter. Très ensuite, en manipulant les ultrasons, les chercheurs sont capables de faire bouger très rapidement dans l'espace la petite perle qui, éclairée avec des lumières colorées, dessine un objet holographique comme un papillon ou un smiley. Il y a mieux, on peut toucher entre guillemets l'hologramme et influencer ses mouvements grâce au courant d'air qu'on provoque. En bref, Disney+, la chaîne concurrente de Netflix, vient d'être lancée aux États-Unis et bat déjà des records. Elle a été lancée en grande pompe ce mardi 12 novembre avec The Mandalorian, une série basée sur l'univers de Star Wars. La plateforme fait déjà trembler le marché de la vidéo à la demande et en à peine 4 jours, plus de 10 millions de personnes se sont abonnées au service Outre-Atlantique. Un chiffre qu'il faut sans doute tempérer, Disney+ propose une offre gratuite pendant 7 jours. On en reparlera quand il faudra payer. Et Amazon a officiellement commandé l'adaptation de Périphérique de William Gibson. À ce jour, Amazon n'a pas révélé quand la production de The Peripheral, Périphérique, débuterait, ni quand elle serait présentée sur la plateforme de streaming. Ce qu'on sait en revanche, et qui peut faire saliver certaines personnes, c'est que ce sont Scott Smith, Jonathan Nolan et Lisa Joy, les maîtres d'œuvre de la série Westworld, qui seront en charge de la production de cette adaptation. Westworld, dont on attend avec impatience la troisième saison. Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de Science Improbable, vous l'avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux cette semaine, cette très jolie et adorable vidéo d'un beluga qui est beaucoup moins drôle que ce qu'on peut voir à l'écran. Et oui, les internautes se sont émus cette semaine de cette vidéo d'un beluga qui joue à rapporter un ballon de rugby à des hommes à bord d'un bateau. Mais comme toujours, quand on voit des animaux mignons sur Internet faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire, il faut se méfier. Pour Ferris Jabre, journaliste pour la revue Scientific American et pour le New York Times Magazine, ce beluga s'appellerait Vladimir et se serait échappé de captivité. Jusqu'ici, tout va presque bien, mais il y a plus. S'il s'agit bien de Vladimir et non par Vladimir, ce cétacé aurait déjà été aperçu en avril 2019 au nord de la Norvège avec un harnais sur lequel on pouvait lire « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Terreur sur les internets, l'adorable beluga se serait en fait échappé d'un programme militaire russe et l'espion viendrait bien du froid. D'autres théories affirment que le beluga se serait tout simplement évadé d'un parc aquatique. On retiendra surtout que l'animal qui a été suivi pendant une semaine par des scientifiques et qui ne s'est plus chassé aurait pris l'habitude d'être nourri par des hommes et qu'il serait aujourd'hui incapable de trouver seul de quoi manger. Est-ce que ça mérite un like? Non, on ne like pas le beluga espion. Enfin, on aime bien l'histoire quand même, mais c'est un peu triste. Gilles Dumais, vous qui dites être tombé dans Star Wars quand vous étiez petit, The Mandalorian, vous suivez? Vous allez regarder? Vous l'avez vu déjà? Non. Non, ça vous intéresse pas? Pas trop. Pas trop, ok. On laisse tomber Star Wars. J'ai deux identités comme Superman en fait, nous disiez-vous au téléphone, Gilles Dumais. Oui. Ça veut dire que vous allez changer à un moment donné, enlever des lunettes, vous avez un costume, un truc... Pas ce soir. Pas ce soir. Alors, question, puisque Gilles Dumais, c'est votre nom à la ville d'éditeur. Et Clark vous Kent, avez, ouais. Clark Kent, et votre pseudo, votre nom de super-héros, c'est Thomas Day qui est auteur. Alors, on vous a posé la question déjà 1000 fois, ce sera la 1001e. Pourquoi avoir pris un nom de plume? Pour faire une séparation entre le métier d'écrivain et le métier d'éditeur. Je trouvais que c'était compliqué au départ de travailler avec des auteurs tout en étant entre guillemets auteur. Donc je me disais c'était bien de vraiment séparer les deux choses et pendant un moment les gens savaient pas trop. Maintenant c'est vrai que le secret est complètement éventé. Thomas Day, pourquoi? Enfin, il y a une histoire derrière ou? Oui et non. Alors Thomas c'est un prénom que j'aime bien Et D, c'est tout simplement mon nom avec 2 lettres en moins. J'ai enlevé le U, le M. Et comme je dis toujours, j'ai enlevé l'hésitation, le M. Ça marche. Alors, Gilles Dumais, il y a un an, vous avez lancé cette nouvelle collection imaginaire chez Albin Michel. Collection que vous dirigez. Bon rythme de publication, hein, puisqu'il y a un peu moins d'une dizaine de volumes qui sont sortis en un an. Et la question que je voulais vous poser, alors on parlera de cette collection plus généralement et de l'apparition d'une nouvelle collection d'imaginaire, mais quand on lance une collection, évidemment les premiers tomes c'est important, ça marque un peu la touche. Comment est-ce que vous avez choisi ces premiers volumes et lesquels? Vous pouvez nous dire peut-être un mot des premiers? Oui, c'est très important, il fallait donner le « là ». Et en fait j'avais plusieurs problèmes à régler. Le problème principal c'était pour moi de publier évidemment des bons livres. Mais il y avait un autre problème, c'est comment mettre ça dans chez Albin Michel, où on publie Stephen King, Bernard Werber, Maxime Chattam. On a déjà des grands noms de l'imaginaire. Et là, c'est une collection qui est destinée à aller en rayon de l'imaginaire. C'est pas une collection qui est destinée à aller dans les rayons grand public, et, etc. Littérature anglophone, quoi. Donc il fallait des livres entre guillemets spécialisés, mais en même temps être susceptibles d'être lus par un grand nombre. Donc j'ai choisi un certain nombre de titres que j'ai proposé à Alexis Ménard, qui est mon supérieur hiérarchique. Et parmi ces titres, il y en avait un sur lequel je voulais absolument rien négocier. C'était non négociable, c'était Anathème de Neal Stephenson. Parce que c'est un livre que je considère comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, comme il y en a peu, des livres de la taille de Dune, de l'importance historique de Dune, etc. Vous pouvez nous en dire un mot d'ailleurs de ce Anathème qui est en deux volumes. Vous avez promis le premier volume, oui, le deuxième a été publié. Alors aux États-Unis, c'est un seul livre, mais c'est vrai que vu les coûts de traduction, on l'a coupé en deux. C'est, je dis toujours, c'est le nom de la rose 4000 ans après une apocalypse nucléaire. Donc c'est, on suit une espèce de confrérie. C'est pas des moines, ce sont des scientifiques. Ils ont le droit à trois objets, une chape, une espèce de ballon et une cordelette. Et il faut qu'ils fassent toutes leurs études astronomiques et autres avec ces trois objets. Et on va suivre un personnage, Fra Erasmus, au moment où va avoir lieu un énorme bouleversement dans leur vie. J'en dirai pas plus. C'est un livre qui parle de philosophie, qui parle de mathématiques, qui parle d'astrologie, d'astronomie. C'est très ambitieux d'un point de vue philosophique, et aussi étonnamment, parce que c'est probablement le livre le plus complexe du département imaginaire, c'est aussi son plus grand succès. Et ce livre vient juste d'avoir le prix Planète SF des blogueurs, donc je suis très content. Voilà. Et puis dans les autres choix de départ, il y avait Match de bataille de Peter Flannery, qui était carrément autre chose, c'est-à-dire de la fantasy pour des gens qui n'ont pas une énorme culture en fantasy, l'envie de proposer une aventure, pure jus, vraiment une aventure, presque cliché, le héros, le mal, l'amitié. Et donc c'est une énorme fresque, de nouveau en deux volumes. Et le troisième livre du lancement, c'était American Elsewhere, de Robert Jackson Bennett, qui est un énorme ouvrage... un peu à la Stephen King, un peu hommage à Lovecraft. Ça se passe au Nouveau-Mexique, dans une ville qui n'existe pas sur aucune carte. C'est un personnage féminin qui arrive, qui doit démêler des mystères. Ça ressemble un peu à Twin Peaks dans le désert du Nouveau-Mexique. C'était mon coup de cœur. C'est vraiment un livre que j'adore et que je voulais faire depuis longtemps. Qui a le défaut de faire 800 pages, donc c'est pas évident. Et voilà. Donc le lancement, il s'est fait avec des œuvres ambitieuses. Aussi par la taille, par la volonté de raconter d'histoire, et il y a quelque chose qui m'a semblé être vraiment dans l'ADN d'Albin Michel, c'est la volonté de raconter pour que le lecteur ait le plaisir de suivre une aventure, ou une aventure pas forcément dans le sens aventure, mais suivre voilà quelque chose, un vrai fil narratif sur des pages et des pages, et c'est ce que j'ai essayé de faire sur ce lancement. Ça a été difficile ce choix. Parce que il y a eu un an à peu près entre le moment où vous avez rejoint Albin Michel et le lancement de la collection. Vous avez, j'imagine, lu énormément de choses. Vous aviez aussi peut-être des directives d'Alexis Ménard ou pas du tout? Oui, bah Alexis au départ lisait tout. Là, il a moins le temps, tout ce que je proposais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup discuté sur le choix de départ. C'était pas le choix idéal que je voulais faire. J'aurais voulu qu'il y ait un auteur féminin dès le départ. Ça n'a pas été possible. Cameron Hurley est arrivé derrière. J'aurais voulu qu'il y ait un français. C'était très important. Le livre français que j'avais, entre guillemets, sélectionné, n'a pas plu à Alexis. C'est la vie, c'est comme ça. Vous en avez publié des auteurs français. On y reviendra. Oui, j'en ai publié. Celui que j'attendais, notamment pour le lancement, celui de Franck Féric, j'ai reçu le manuscrit à peu près au moment où les livres sont arrivés en librairie. Donc j'ai dit à l'auteur, là, ça va pas être possible. En tout cas pour le lancement. Il y a toujours des contretemps. C'est vrai que la traduction d'Anathème, ça a été un truc incroyable. Jacques Collin a eu le Grand Prix de l'Imaginaire pour cette traduction. Mais c'est en termes de relecture, en termes de travail, c'est vraiment un truc dément parce que c'est un livre qui avait la réputation d'être intraduisible. Alors il est pas intraduisible puisqu'on l'a traduit. Mais c'est un livre qui est quand même très dur à traduire, faut être clair. Pourquoi très dur à traduire d'ailleurs? Parce qu'il y a plein de mots inventés, parce que une voiture dans ce livre-là ça s'appelle pas une voiture, ça s'appelle un vachéché, parce que un téléphone ça s'appelle pas un téléphone, ça s'appelle un brelot, parce que etc etc. Ils ont leur langage et c'est un monde qui est à la fois proche de nous, on a l'air de le comprendre. En même temps, c'est un monde qui a 4000 ans après une apocalypse nucléaire, donc d'un point de vue sociétal, d'un point de vue organisation de la société, tout, c'est très différent et les gens ont une façon de penser qui est très différente. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez publié des auteurs français, Jean-Michel Rey, Franck Ferry, que vous venez de le signaler. Il y a beaucoup de monde qui... vous avez reçu beaucoup de manuscrits, c'est-à-dire qu'il y a une production littéraire de science-fiction, d'imaginaire intense en France qui cherche à être publié. J'en reçois beaucoup. Il y a des auteurs qui sont publiés ailleurs qui m'intéressent. Je les regarde du coin de l'œil. oui, on a un imaginaire de langue française qui est formidable. Enfin, il faut le dire et le répéter. Formidable. Et des auteurs qui sont pas publiés chez moi comme Jaworski ou comme Stéphane Plateau ou comme Jean Barré sont vraiment des auteurs qui sont passionnants. Donc ou Lucaso que vous avez publié. Ou Lucaso, Romain, oui. Laurent Jeunefort. Il y en a plein. La liste est voilà. Et pour les femmes, évidemment, Catherine Dufour. Mais la liste est très longue. Donc je reçois beaucoup de projets. Je reçois des projets via des agents maintenant, de plus en plus. Je reçois des livres d'inconnus. D'ailleurs, j'ai pas reçu par la poste, mais j'ai rencontré aux Imaginales Gauthier Guillemin. J'ai publié le mois dernier son premier roman, Rivage. Oui, j'ai fait le compte une fois. Je reçois 600-700 manuscrits par an. Vous dites le plaisir d'éditeur, c'est le plaisir du manuscrit dans la boîte aux lettres qui d'un seul coup ouais. Qu'on peut plus lâcher. C'est Lucaso, c'est l'Assium. Vous recevez ça. Vous commencez à lire 4 pages et vous arrêtez pour téléphoner à l'auteur en disant « J'ai reçu le truc, je trouve ça incroyable, je vais vous dire très rapidement ce que j'en pense. J'ai à peine commencé, mais je voulais que vous sachiez qu'il n'est pas perdu, il est arrivé, on le lit. » Il y a une espèce de légende urbaine comme quoi on ne lit pas les manuscrits, etc., etc. On lit tous les manuscrits, je regarde tous les manuscrits, je le fais moi-même, je n'utilise pas de stagiaire, je n'utilise pas de lecteur extérieur pour les manuscrits. Sauf que vous n'allez pas au bout de tous, j'imagine. Non, bien sûr, évidemment. Je peux pas, c'est impossible. Et même si j'ai passé toutes mes journées, j'y arriverai pas, j'en reçois trop. Mais je les regarde tous, vraiment, avec attention, le début, le milieu, la fin. Et on a des méthodes pour ça. Et oui, le vrai... Alors, publier un bouquin américain super, c'est choisir un bouquin américain super, mais... publier un auteur français, l'aider dans son travail d'auteur, lui permettre d'accoucher son projet, et vraiment que ce soit son projet, pas que ça devienne le vôtre, l'aider à arriver à son projet, oui, ça c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce métier, pour moi. Vous n'êtes pas, vous êtes pas fait reprocher justement d'avoir ouvert cette collection avec que des auteurs américains ? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas entendu ce type de reproche. Vous racontez comme ce que vous avez quand vous avez reçu l'Assium de Romain Lucaso, qu'on avait reçu ici d'ailleurs, on peut vous remettre le lien vers l'émission. C'était une émission passionnante et c'est vrai que c'est un auteur passionnant. Vous vous souvenez du moment où vous avez eu Wilson dans les mains, par exemple? C'est lequel? Alors Wilson, quand vous l'avez publié chez De Noël, je précise. Robert Sher Wilson, c'est un auteur j'avais déjà lu avant d'arriver chez De Noël. Il était publié chez J'ai lu. Et j'avais lu un livre qui s'appelle Mysterium, qui avait eu le prix Philippe K. Dick, et qui était en poche chez J'ai lu à l'époque où il y avait encore des inédits poches. On pouvait encore acheter pour 7 ou 8 euros un livre inédit, une traduction, ce qui est plus tout à fait le cas actuellement. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, et j'avais repéré le gars, et en fait, J'ai lu abandonné, je sais pas pourquoi, et quand il a publié Darwinia, je connaissais l'agent, j'ai tout de suite envoyé un email à l'agent. Je veux recevoir Darwinia, je veux lire, cet auteur m'intéresse. Et Darwinia, ça a été historiquement le premier vrai succès de la collection Lune d'encre. Je dois beaucoup à Robert Sher Wilson parce que le vrai succès de Lune d'encre, c'est Spin. C'est Spin, ouais. Et c'est quand même un livre qu'on a vendu en grand format à 20 000 exemplaires. Oui, qui est un chef-d'œuvre par ailleurs. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis un grand fan de Robert Sher Wilson, qu'on a eu la chance aussi de pouvoir interviewer pour la sortie de La Cité du Futur. On peut là aussi vous remettre le lien vers cet entretien. Un mot aussi peut-être sur la façon dont vous avez trouvé, découvert et publié Christopher Priest. C'est pareil, Christopher Priest, je l'avais lu avant d'arriver chez De Noël. Il avait été publié chez De Noël avec un livre très étrange qui s'appelle Une femme sans histoire, The Quiet Woman en anglais. Et c'est un livre qui est très... de nouveau, on revient sur quelque chose à la Twin Peaks, etc., etc. Et je pense qu'il détesterait que je dise ça à la radio. Et c'est un livre où il y a un accident de centrale nucléaire française et l'Angleterre prend très cher. Quand je suis arrivé chez De Noël, j'ai demandé à l'agent, qu'est-ce qui se passe avec cet auteur? Ça fait longtemps qu'on le voit plus, qu'on le lit plus. Et l'agent m'a envoyé les livres en disant, mais vous les avez pas achetés en France, tout simplement. Il a continué d'écrire, il publie et tout. Et dans ce qu'elle m'a envoyé, il y avait le Prestige. C'est peut-être le meilleur livre que j'ai publié de ma carrière. Toujours confondu. Ah oui. Ouais, le Prestige de Christopher Priest. Ça reste j'en ai un souvenir émerveillé la première fois que je l'ai lu. À quel point ce livre est intelligent, à quel point... Alors, le film ne reprend qu'une partie du livre, il faut savoir. Le livre, c'est de Christopher vraiment... Nolan qui a été adapté avec notamment David Bowie, d'ailleurs, qui joue Nikola Tesla. Exactement, oui. Et regretter David Bowie. Regretter très. À qui le dites-vous? Et donc voilà, le prestige. Donc j'ai acheté quasiment coup sur coup trois titres de Priest, une novélisation de David Cronenberg. La novélisation de The Good Sense. Ouais, exactement. Mmh. Qui est un petit bouquin marrant, mais sans plus. Les extrêmes sur les mondes virtuels, ce qui est un bouquin très très intéressant. Et le prestige qui est un chef-d'œuvre absolu. Quand vous avez eu Spin dans les mains, vous avez su tout de suite qu'il y avait quelque chose qui se passait de plus que les précédents peut-être de Wilson. Quand j'ai eu Spin dans les mains, je l'ai pas lu. C'est vrai. Non. Quand j'ai eu Spin dans les mains, j'avais tellement l'habitude et tellement confiance en l'auteur que je l'ai envoyé à son traducteur et en lui disant j'ai acheté ça, est-ce que tu as envie de le traduire? Et bah, évidemment Gilles Goulet, qui était le traducteur de Robert Sherwood Wilson depuis un moment, m'a dit oui. Et je l'ai vraiment Spin, je l'ai découvert en lisant la traduction française, quoi. J'avais regardé, quoi, voilà. C'est pas anodin, Gilles Dumay, de créer une nouvelle collection d'imaginaire en France, avec toutes les problématiques qui sont liées à l'imaginaire qu'on connaît, qu'on a évoqué ici. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui sont installés. C'est une littérature qui, même si elle est devenue, et d'ailleurs on peut en parler, une culture dominante, n'a pas des gros succès en librairie, à quelques rares exceptions près, comme celle de Damasio. Mais est-ce que Damasio est encore dans l'univers de la littérature de SF? C'est une question qu'on peut se poser. C'est un vrai pari, c'est un défi. Comment est-ce que vous l'appréhendez, ça? Bah, c'est un challenge. C'est vrai que le challenge m'a vraiment plu. Je l'appréhende avec une certaine inquiétude, hein, très sincèrement. Et puis, c'est comme tout. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. On a des déceptions, on a des enthousiasmes formidables. Pour moi, ce qui me semble difficile aujourd'hui avec l'imaginaire en France, c'est deux aspects qui sont vraiment distincts. C'est d'un côté, il y a une surproduction qui est démente. Et il faut faire son trou au milieu de tous ces acteurs qui sont pas toujours spécialisés, mais qui font de temps en temps un bouquin et qui savent pas trop pourquoi d'ailleurs. Vous pensez à qui par exemple ? Non, mais c'est pas tellement donné. Non, mais c'est vrai qu'on voit sortir des livres à droite, à gauche, qui sont des livres d'imaginaire chez des éditeurs qui sont pas des éditeurs d'imaginaire. Et ça, il y en a de plus en plus. Et ces livres sont souvent très intéressants. Hein. Et puis, il y a le problème de médiatisation des auteurs, parce que on achète des auteurs, mais on veut qu'ils soient lus et on veut que les lecteurs les lisent. Et en France, on a assez peu de il y a assez peu de journalistes, hein, qui parlent de ces genres dans la presse écrite. Hein. Je vais pas tous les citer, mais il y en a, hein, comme Hubert Plongeau à Télérama, François Angelier au Monde. Enfin, il y en a. Mais à France Culture, François Angelier. Et puis il y a la méthode scientifique, nom de Dieu. Oui, mais. Mais oui, vous faites d'ailleurs un travail remarquable, mais c'est gentil. C'est en fait, très sincèrement, c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que vous revenez toutes les semaines avec une émission, tous les 15 jours, etc., etc. Il n'y a pas d'équivalent dans la presse écrite, il y a des gens qui font des trucs super comme Lloyd Cherry ou Point Pop. Mais donc, il y a cette difficulté. Il faut médiatiser les auteurs. C'est pas juste acheter un livre et le faire traduire. Il faut que les gens sachent que le livre existe et qu'il peut lui plaire. Mais il y a quand même ce paradoxe de l'imaginaire en France qui fait que, effectivement, en librairie, ce sont pas des gros tirages. C'est des publications un peu difficiles. Par exemple, vous tirez à combien d'exemplaires quand vous sortez là sur ces collections? 5 000 en moyenne. Mmh. Bon, ça peut être 4 000, ça peut être 8 000. Mais c'est plutôt 5 000, ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Et par ailleurs, comme vous le dites vous-même, hein, l'imaginaire en tant que culture est devenu la culture dominante. On le voit bien au cinéma, on le voit bien dans les séries sur Netflix. On voit aussi, par ailleurs, on était aux Utopiales l'un et l'autre à Nantes, une affluence incroyable, 100 000 personnes. Comment ça se fait que derrière, il n'y ait pas cet effet de locomotive sur les ventes en librairie? Parce qu'on veut mettre sur le même pied des médias qui sont trop différents. C'est sûr qu'en bande dessinée, en jeu vidéo, en cinéma, en comics, la science-fiction et en série télé, la science-fiction et la fantasy, hein, parce que Game of Thrones, l'imaginaire, c'est la ruée vers l'or. D'ailleurs, vous parliez de Disney, il lance avec un morceau de Star Wars. Et HBO, c'est Game of Thrones, et Netflix, ils ont eu des Marvel, ils ont eu des trucs. Et puis il va y avoir The Witcher aussi. Et il va y avoir The Witcher. Attends, The Witcher avec impatience. En décembre. Oui, d'ailleurs, The Witcher 3, le jeu vidéo est un chef-d'œuvre. Incroyable, c'est l'un des meilleurs jeux vidéo de ces 10 dernières années. On est bien d'accord. et donc voilà, vous avez tous ces médias qui sont entre guillemets faciles quelque part. Parce que c'est du visuel, parce que c'est du ludique, parce que ouais, une BD ça se lit en 40 minutes, etc. Lire un livre de science-fiction où on va vous emmener dans un monde qui peut être radicalement différent avec des lois radicalement différentes. sans avoir le support visuel, bah, ça peut demander un effort. Et il y a plein de lecteurs qui, d'abord, ne veulent pas le faire parce que ça ne les intéresse pas. Et puis, il y a plein de lecteurs qui sont un peu effrayés par le genre parce que c'est vrai qu'il y a des livres qui sont compliqués. Il faut bien savoir choisir les premiers qu'on lit. Faut pas essayer de commencer par Greg Egan, par exemple. Non, parce que là, mais on peut commencer par Spin, par exemple. Moi, je conseille souvent aux gens qui ne lisent pas de science-fiction de commencer par Spin. Alors, moi, je conseille Smila. Ah. Je conseille Smila de Peter Hugg parce que c'est sur le papier c'est un vrai livre de science-fiction. Il y a une vie extraterrestre, il y a une météorite, il y a une énigme scientifique, etc., etc. Mais ça se lit comme un super roman, je dirais, de littérature générale, et ça se lit comme un super thriller. Et donc on peut embarquer des gens dans quelque part un livre de science-fiction et avec une intrigue de thriller très prenante et avec un personnage qui est très attachant parce que la littérature c'est quand même souvent des personnages. Souvent, c'est ça qu'on aime dans la littérature, c'est s'identifier aux personnages. Et on peut avoir ce type de problème avec la science-fiction, avoir des difficultés à s'identifier à des personnages qui sont trop différents de nous. h 30 sur France Culture. Un petit mot peut-être sur ce choix musical, Gilles Dumay. Ah ben, bah oui. This is not America. Bah, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle comme ça. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Bowie et surtout la période Ziggy Stardust. Et son dernier album est bouleversant. C'est un album incroyable, Black Star. On va changer d'identité, donc vous pouvez enlever les lunettes. C'est marrant parce qu'on disait Superman, mais vous avez un t-shirt Rorschach, donc oui. votre genre de beauté en super-héros, c'est plutôt Rorschach et Alan Moore que Superman. Rorschach, c'est un peu mon super-héros, même si c'est pas un super-héros préféré. Vous avez vu la série Watchmen? Non. Ouais, moi non plus. Mais il va falloir rattraper ça. Alors, Thomas Day, donc je vais vous appeler Thomas Day. La meilleure personne pour parler de Thomas Day, ce n'est peut-être pas Gilles Dumay d'ailleurs. Je vais vous donner quelques extraits d'interview, je trouve ça assez intéressant. Je n'ai jamais été un romancier très convaincant en fait. Je n'ai pas une écriture rapide, je suis extrêmement lent, j'ai une méthode d'écriture qui, je pense, est vraiment à déconseiller à tout le monde. Tout cela est vrai. C'est quoi cette méthode qu'il faut déconseiller? J'essaye de pas faire de premier jet. J'essaye que ce que j'écris soit vraiment le texte définitif. Ça m'oblige à réfléchir longtemps à chaque phrase. C'est pas fluide. C'est pas dans la fluidité. D'ailleurs, c'est pour ça que mes derniers livres sont très déstructurés. Ils sont pas dans l'ordre. Ils sont par morceaux. Et c'est écrit comme ça vient. Et puis je fais après. Je suis comme un metteur en scène. Je refais une mise en scène de chaque morceau, chaque séance, chaque dialogue. C'est vraiment pas une méthode de travail à conseiller. Je la conseille à personne. Metteur en scène, ça veut dire que vous décrivez vos images mentales. Vous avez. Bah, Ma culture, c'est le cinéma. C'est comme ça. Il y a des gens, leur culture, c'est les livres. Ils travaillent dans le livre. Moi, je travaille dans le livre. Ma culture, c'est le cinéma. C'est lié à l'enfance. C'est lié à ma mère qui m'emmenait au cinéma tous les mercredis voir un truc, où on regardait des vieux films de la Hammer à la dernière séance présentés par Eddie Mitchell. La légende familiale dit que mes parents m'ont amené voir Ben Hur. J'avais 3 ans. Ça doit durer 4 heures. Mmh. Et que j'ai pas dit un mot pendant tout le film et que j'étais scotché à l'écran. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je me souviens de ma mère m'emmenant voir Les 7 samouraïs de Kurosawa qui durent aussi dans les 4 heures. Et je suis sorti de là complètement, je sais pas comment dire, halluciné par ce que j'avais vu. J'avais découvert un pays, un monde, une culture. Les samouraïs, je savais pas que ça existait à l'époque. Je sais que ça vous a marqué, les samouraïs. Les samouraïs, ça m'a beaucoup marqué. Pas que les samouraïs. Donc voilà, j'ai cette culture cinématographique et qui maintenant est en train d'être... on a beaucoup parlé de séries, mais voilà, en ce moment, il y a une vraie bascule du cinéma vers les séries en termes de budget, en termes de volonté narrative, en termes de puissance narrative. Et c'est vrai que là, maintenant, je regarde beaucoup plus de séries que de films, même si quand je vois un bon film, je suis content, mais je trouve que ça arrive de moins en moins. Je trouve les films, surtout américains, très, très, très formatés. Vous dites toujours, je dis du mais, dites-vous en tout cas, je suis probablement un réalisateur raté. C'est d'ailleurs probablement pour ça que j'ai fini dans l'édition. Oui. J'étais un mauvais élève à l'école, ce qui me posait problème quand je parle à mes enfants de l'importance d'avoir une scolarité assez suivie. Et je voulais faire une école de cinéma, mais en fait, j'étais tellement nul que c'était même pas possible, c'était pas envisageable. Et donc, j'ai commencé à bosser des petits boulots à la con vers 16, 17 ans, 18 ans. Et c'est vrai que le cinéma, c'est toujours un truc qui m'a fasciné. Et le métier de réalisateur, c'est ce qui est dans le sens réalisateur, au sens européen, auteur. C'est un truc fascinant. Après, bon, j'ai vu un peu par d'autres biais la production, le scénario. J'ai rencontré pas mal de gens du cinéma. Et je pense que j'aurais été profondément malheureux. Mais parce que le cinéma, c'est... Ça devient tout de suite des trucs énormes. Avec, il faut des équipes, il faut des gens, c'est toute une mécanique et ça demande probablement quelque chose que je n'ai absolument pas, qui est la diplomatie dans les rapports humains. Faut pas être diplomate pour être éditeur. Il y a des auteurs qui en souffrent, mais globalement non, j'ai pas de diplomatie. J'arrive pas à mettre de filtre. J'ai tendance, quand je trouve un truc nul, j'ai tendance à dire je trouve ça nul, je suis désolé. J'essaie d'expliquer pourquoi par A plus B, mais et donc dans le cinéma, j'ai l'impression que c'est pas possible. On peut, ou alors il faut faire des trucs produits pour 30 000 euros dans une usine désaffectée. Enfin bon, c'est pas forcément les projets qui m'auraient intéressé. Donc je suis parti à écrire des livres, à écrire des livres qui étaient entre guillemets des scénarios. Et puis après, j'ai quitté les livres pour le scénario de bande dessinée, parce que globalement, la bande dessinée, c'est exactement ce qui est médian entre le livre et le cinéma. Il y a l'image, il y a le texte, il y a une mise en scène, il y a un découpage, il y a des cadrages. Et là, en fait, quand j'ai fait ma première bande dessinée avec Olivier Leudroit, je lui ai dit, en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans ma vie, je le savais pas, quoi. Et aujourd'hui encore? Oui, mais j'ai plus le temps, mais oui. Ouais, vous venez publier avec un dessinateur qu'on adore absolument, Guillaume Sorel. On peut citer L'île des morts, qui est un chef-d'œuvre de la bande dessinée française. Et avec qui vous venez de signer Macbeth, roi d'Écosse, c'est le premier tome. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une suite. Il y a un deuxième tome au printemps, mais alors je crois... C'est chez Glénat. Chez Glénat, j'ai écrit le scénario en 2014, je crois. Et après, j'ai retravaillé un petit peu avec Guillaume. Mais c'est un projet ancien, c'est un projet qui a 4-5 ans... C'est fini pour moi. Alors Guillaume est encore en train de travailler dessus. Courage. Mais non, ça prend beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Là, j'ai pas le temps. Il y a des auditeurs qui sont en train de nous écouter et qui réclament à grands cris un nouveau roman de Thomas Day. Ils veulent même que vous écriviez de la SF. C'est vrai que de la SF, c'est pas tellement un champ que vous avez arpenté en tant qu'auteur. Non, j'en ai fait, mais en fait, moi, ma SF, elle est à la Star Wars, c'est-à-dire que les vaisseaux spatiaux font du bruit dans l'espace. J'ai pas une culture scientifique très très développée, et je dirais même plus que je suis pas tellement. Alors je dis ça à la méthode scientifique, bravo. Je suis pas tellement intéressé par le raisonnement scientifique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, C'est la magie. Tout à l'heure, vous parliez des chevaux dans les grottes. Et ça, ça me parle parce que j'ai étudié le chamanisme, la préhistoire, pourquoi ils dessinaient, pourquoi ils s'intoxiquaient, etc., etc. Je suis très intéressé par tout ce qui est magie, chamanisme, lien avec la nature. Ça m'éloigne quand même un peu de la science-fiction. Mmh. Vous avez jamais été tenté par un court-métrage, un scénario de film, une adaptation? Si, j'ai fait des scénarios, mais ça a jamais rien donné parce que c'est... Je pense qu'il faut. J'ai pas la bonne grammaire pour parler aux gens du cinéma. Je suis trop entier quand j'ai écrit Dragon. Je l'ai écrit vraiment comme un truc qui pouvait être adapté au cinéma, mais je l'ai montré à des Dragon qui est au Bélial, qui est votre dernière novella, qui est mon dernier court roman et qui est un livre sur les réseaux pédophiles en Thaïlande. Donc vraiment le sujet dont personne ne veut. Mais moi c'est ça que j'ai envie d'écrire. Avant j'avais fait un recueil sur les violences faites aux femmes. C'est pareil, faire un film sur les violences faites aux femmes, avec de l'imaginaire dedans, les gens ne comprennent pas. Jusqu'à la garde, c'est un excellent film d'horreur qui traite de ce sujet-là, par exemple. Je ne l'ai pas vu. Un très bon film, vous devriez le voir. Vous dites de Dragon, ce sont des petits bouts de texte et tout est monté comme un film. Comment est-ce qu'on monte un texte comme un film? Eh ben, il y a 25 ou 28 chapitres, je ne sais plus. On les imprime, on les pose sur le sol de sa chambre d'hôtel en Thaïlande et puis on les met dans le bon ordre. Et c'est comme ça, voilà, ça fait une espèce de chemin de fer. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Alors, ça commence par le 17, ça continue par, je sais pas, le 4 ou le 5, puis après, on revient au 6. Puis... Et en fait, pour moi c'est l'ordre du texte, mais c'est pas l'ordre où les événements ont lieu. Vous écrivez, vous le dites, hein, effectivement, en Thaïlande. C'est intéressant parce que vous allez... Il y a quelque chose, vous dites que vous avez besoin de vous immerger, c'est-à-dire qu'il y a presque une pratique quasiment documentaire dans votre rapport à l'écriture. J'ai beaucoup de mal à faire autrement, c'est-à-dire que quand je suis allé finaliser Macbeth, roi d'Écosse, je suis parti en Écosse. Et je suis allé à Lumpanan, je suis allé aux endroits, je suis allé à Elgin, je suis allé à tous ces endroits qui ont des noms modernes maintenant, ou pas d'ailleurs. Et oui, j'ai besoin de ça. En Thaïlande, j'ai besoin des odeurs, j'ai besoin du bruit la nuit. Quand j'écris sur les rocheuses ou des trucs aux États-Unis, j'ai besoin d'y aller, et ainsi de suite. Il y a des destinations qui me manquent et moi c'est vrai que ma culture c'est le cinéma et le voyage c'est probablement c'est le truc qui m'a fait avancer dans la vie pendant des années. C'est parce que j'arrivais à voyager, j'arrivais à partir, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré d'autres cultures, etc., etc., que j'arrivais à supporter entre guillemets cette société qui par certains côtés je trouve très agressive et où il y a des choses qui vraiment me gênent. Et maintenant, j'arrive plus à faire autrement. Là, j'ai un projet de BD, il se passe à la Nouvelle-Orléans. Et il faut que je cale un moment ou un autre un voyage à la Nouvelle-Orléans pour finir la bande dessinée. Il me reste 4 pages à écrire, mais moi, j'arrive pas à les faire en France. Il faut que je sois là-bas, il faut que j'entende la musique de la Nouvelle-Orléans, que je sente les odeurs, je bouffe la cuisine, etc. C'est intéressant parce que souvent, il y a Gilles Dumay, il y a Thomas Day, et puis dans vos personnages, on n'est pas très loin non plus. Il y a quelque chose d'un peu immersif, il y a des personnages miroirs qu'on retrouve dans certains de vos romans. Je pense évidemment à Thomas Desler dans La Cité des Crânes, mais on a l'impression que il y a une part de vous qui habite ces personnages, c'est vrai? C'est pas une part de... Chaque personnage est une facette de moi ou des choses que j'aime pas chez moi ou des choses que, au contraire, je trouve intéressantes. Mais... Oui, on développe ses propres personnages. Un de mes écrivains préférés, c'est Bukowski. Globalement, il n'a écrit que sur lui toute sa vie. Cette démarche d'écriture, je me trouve souvent en décalage vis-à-vis des autres écrivains avec qui je discute avec. Fabrice Collin, un jour, qui m'a dit que j'étais un auteur kamikaze dans ma façon de choisir mes sujets. En même temps, kamikaze, ça va bien avec l'imaginaire du Japon. Oui, donc, mais oui, c'est forcément toujours un peu moi, ça parle toujours un peu de moi, et puis je peux pas faire autrement. Enfin, je connais pas énormément de sujets. Il y a effectivement quelques... C'est intéressant parce que vous dites, vous parlez de Bukowski, vous dites aussi que Cormac McCarthy, c'était une vraie claque. Ah ouais, c'est... Alors j'ai découvert avec un livre qui était à l'époque publié chez Gallimard, qui était Méridien de sang. Oui, qui est un chef-d'œuvre total. Et c'est vrai que ce livre-là... alors j'avais eu une grande claque avant avec Pierre Pelot, qui est un écrivain français. Et c'était Le Sourire des Crabes, je me souviens toujours, que d'ailleurs j'ai réédité une fois que j'ai été éditeur. Et McCarthy, ça a été la seconde claque après Pelot, mais vraiment... je suis assommé, quoi. Je suis sorti de... Je crois que c'est rarement que j'ai fait ça. J'ai lu 2 fois de suite Méridien de sang. J'ai voulu acheter tout ce qu'il y avait. J'ai suivi sa carrière. Je crois que c'est le seul écrivain, quasiment, et peut-être avec Mishima, j'ai tout lu. Je crois qu'il y a rien qui me manque. Et oui, alors McCarthy, bon, bah, il y a tout, hein, il y a à boire et à manger. Mais quand il est bon, c'est juste le meilleur, quoi. C'est une littérature très dure, très noire, ouais, très violente. Je pense, bah, par exemple, à un roman que j'ai adoré, L'obscurité du dehors, dont j'ai l'impression, ouais, de m'être pris des coups de poignard dans le cerveau. Faut pas voir le film. Hein. je savais même pas que ça était adapté. Par James Franco. D'accord. Bon, on va surtout pas regarder. Non. Non. Non, mais enfin, c'est surtout pas parce que c'est vraiment un roman remarquable, mais c'est d'une noirceur totale. Enfin, ouais, c'est vraiment l'obscurité. C'est vraiment, il y a pas une once, il y a pas une étincelle de lumière, quoi. Mais il a écrit. Moi, j'aime beaucoup De Six Jolis Chevaux. Ouais, la trilogie des Grandes Plaines. Et celui avec la louve dont j'oublie toujours le titre, qui est aussi très très beau. Mmh. Il a pas écrit De Six Jolis Chevaux. Faut pas voir le film non plus. Il a pas écrit que des mauvais. Il a pas écrit que des trucs très noirs. Il a écrit des choses aussi. Il y a des scènes magnifiques dans De Six Jolis Chevaux, mais vraiment magnifiques de lumière, de voilà. C'est un écrivain qui travaille ce que moi j'aime, hein. C'est la lave des sentiments. On est vraiment dans la violence. On est vraiment dans la misère. On est des gens qui sont broyés par des systèmes. Mais toute cette littérature, elle me parle. Hein. Enfin, et je pense que elle nous parle. C'est intéressant, hein, justement, ce rapport à la violence qu'on retrouve partout, vraiment comme une sorte de motif que vous travaillez dans chacun de vos romans, et d'ailleurs de façon distincte, on la voit évoluer entre les premiers et les derniers. Vous dites, pour moi, en parlant de la violence, c'est l'expression physique ou psychologique du mal, essayer de comprendre la nature du mal, c'est un vrai sujet de littérature. C'est le seul sujet de littérature. Enfin, c'est pour moi, c'est la nature du mal, c'est vraiment le sujet le plus intéressant en littérature. Pourquoi, avec les meilleures intentions, on fait du mal aux gens? Pourquoi on prend de mauvaises décisions? Pourquoi on ment et on va faire énormément de mal à une personne? Tous ces mécanismes-là me fascinent. Et pourquoi, là, on est beaucoup, depuis des années, dans les violences faites aux femmes et le mouvement MeToo. Et je trouve ça très, très intéressant de voir comment les choses changent, comment ce qui se passe, comment la parole se libère, comment et tout ça on le savait, on le sait, on le sent et c'est verbalisé, c'est un pas de plus vers le progrès social. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et la violence, ça a toujours été entre guillemets mon sujet. C'est un sujet. C'est comme Tarantino, je crois, qui dit que la violence au cinéma, c'est un sujet, ben c'est un genre. Ben la violence, c'est un genre. Moi, je fais de la science-fiction, du noir, de la fantasy, des tas de trucs, mais toujours autour de la violence. C'est obsessionnel chez moi. Et comment on arpente justement ce chemin de la question du mal? C'est évidemment une question passionnante, mais comment on la décline? Comment est-ce que vous avez le sentiment d'avoir évolué autour de cette question au fur et à mesure de votre carrière littéraire? Oui, j'ai enfin évolué. Évolué, peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, j'ai. Moi, j'écris parce que je ne peux pas répondre à certaines questions. Il y a des questions que je me pose et j'ai pas la réponse. Et quand j'ai pas la réponse, ben j'écris. J'écris sur le sujet. Ça m'aide pas à avoir la réponse. J'ai pas la réponse à la fin. Mais voilà, je cherche la réponse dans l'écriture. Et la violence, c'est ben j'ai pas la réponse. Je sais pas pourquoi on est entre guillemets aussi violent. Donc si voilà, il y a des choses qui ont évolué. C'est vrai qu'au début de mes premiers bouquins, je m'intéressais pas spécifiquement à la violence contre les femmes, puis de plus en plus, puis après contre les enfants, puis j'étais témoin de choses, donc ce dont j'ai été témoin quand j'ai fait ce bouquin en Thaïlande, j'y suis allé là-bas, je suis allé vraiment voir comment ça se passait, je suis vraiment allé dans la jungle que je décris, je suis parti en moto, j'ai traversé la jungle en moto, etc. Et c'est Dragon parle de prostituée infantile. Oui, c'est ça, voilà. Et donc j'ai vu des enfants dans la rue, j'ai vu tous ces trucs là. Et donc après, ben voilà, il y a des questions qui montent, il y a des choses. Moi, alors, en plus, mes gamins étaient encore plus jeunes à l'époque, donc vraiment ça rentrait en résonance avec ma vie familiale, avec la construction de ma famille et ainsi de suite. Et j'avais besoin de fouiller, donc je fouille ces questions. Il y a plein de choses. Il y a une question que je voulais vous poser tout à l'heure quand on parle de cinéma. Je vais faire un peu marche arrière, mais est-ce qu'il y a une image fondatrice au cinéma pour vous, Gilles Dumais? Il y a un film. Il y a un film qui probablement est l'explication de la carrière professionnelle, c'est Star Wars. Mes parents m'ont emmené voir Star Wars, donc je suis dans 71, donc j'avais 8-9 ans la première fois que je l'ai vu au cinéma. Et Star Wars, quand enfant, ça m'a retourné. Après, il y a Indiana Jones. Mais Star Wars, quoi dans Star Wars, par exemple? Je pense que c'est l'imagerie, je pense que c'est les vaisseaux spatiaux, les sabres laser, peut-être le côté aussi Samouraï des étoiles, que j'avais pas compris à l'époque, mais qui est venu... aussi probablement, tout simplement, ce que la plupart des lecteurs de SF détestent dans Star Wars, tout le côté mystico-religieux bizarre qui, moi, m'intéresse et me parle pas mal. Et puis, le sens de la formule, que la force soit avec toi, etc. Tous ces trucs qui restent, le Père Noir, le Dark Phaser, qui devient Darth Vader, qui devient Dark Vador. C'est une espèce de mythologie du futur ou du passé très lointain qui est assez fascinante. Tant elle est kitsch, elle fait mouche tout en étant kitsch. Et puis après, il y a Indiana Jones, parce que Indiana Jones, l'archéologie, tout ça, c'est génial. Après, quand on fait des recherches sur l'archéologie, on sait pas que c'est pas du tout comme ça, mais. pas vraiment comme ça. Voilà. Mais quand on a 10, 11 ans, c'est formidable. On veut être archéologue en sortant du cinéma, quoi. Et même après la fin de l'Arche perdue qui fait très très peur quand on a 10 ans. Ouais, mais alors, j'ai pas trop de soucis. Même enfant, j'avais pas trop de soucis avec ça. Il y a un film qui m'avait traumatisé, mais vraiment traumatisé parce que mes parents m'ont parlé pendant longtemps. C'est Harlequin. Un film de David Hemmings où à un moment un personnage se coupe un bout du doigt, quoi. Et alors ça, moi, ça m'avait terrorisé, je sais pas pourquoi. Et après, côté ça, j'avais vu des trucs horribles. Et puis après, il y a, dans les trucs fondateurs, il y a vraiment les films de la Hammer que passait Eddie Mitchell, ou des films américains comme Tarantula, La créature du lagon noir. Qui passait en deuxième partie dans la dernière séance. Voilà, exactement. Planète interdite. Il fallait que je supplie ma mère de pouvoir voir les films parce que c'était très tard. Mais elle les regardait avec moi et donc on les regardait ensemble. Et puis, dans les actes marrants, j'étais refoulé à la séance de Blade Runner parce que j'avais pas l'âge. À l'époque, c'était interdit au moins de 13 ans. C'est rigolo, moi j'avais été refoulé à Robocop, figurez-vous. Et voilà, donc ça c'est, entre guillemets, je me vengerai. Donc j'ai vu Blade Runner. J'ai traumatisé toute ma famille en poussant vraiment pour qu'on aille voir L'année Dragon de Michael Cimino. Tout le monde est sorti vert avec le cœur au bord des lèvres. Moi j'ai trouvé ça formidable, c'est génial. Je voulais y retourner dans la séance d'après. Donc voilà, forcément le cinéma c'est très puissant et j'ai la chance d'être né dans les années 70, d'avoir vu les années 60, les années 70, les années 80, parce que c'est vrai que maintenant le cinéma d'aujourd'hui, c'est plus ça, c'est clairement pas quoi. On a parlé littérature, on a parlé bande dessinée, on a parlé cinéma, on a parlé série. De quoi on n'a pas parlé? De jeux vidéo. Il faut qu'on sorte d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous est déjà arrivé avant? Il faut qu'on sorte de ce truc. Il faut que je sorte. Calmez-vous! Non, vous ne me touchez pas! Silence! Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Extrait de l'adaptation de Resident Evil, de la franchise Resident Evil par Paul Anderson, que vous avez novelisé. Oui. Gilles Dumais. Une longue histoire, on n'a pas le temps. Pourquoi on n'a pas le temps? Ah, mais si, moi je veux savoir. Comment est-ce qu'on en arrive à novéliser Resident Evil? Oui. C'est une bonne question. C'est un projet qui est arrivé. À l'époque, je travaillais chez De Noël. Et c'était mes premières années chez De Noël. J'étais jeune, naïf. C'est arrivé sur le bureau d'Héloïse d'Ormesson par le producteur Samuel Adida, ce projet de novélisation. Comme c'est moi qui m'occupais des extraterrestres et des dragons à l'époque chez De Noël, on m'a dit, est-ce que tu peux trouver un écrivain pour novéliser Resident Evil, en sachant qu'il faut que ce soit fini dans 6 semaines ou 8 semaines ou un truc comme ça, un délai, voilà. Donc j'ai appelé Pierre Pelot, qui m'a dit un truc du style, j'en ai rien à battre des couilles de tes zombies. ok, bon. J'ai appelé Claude Eken, qui m'expliquait qu'il pouvait pas écrire un livre en 6 semaines, et puis... Après avoir utilisé toutes mes cartouches, tous les copains qui ne pouvaient pas vraiment écrire ce livre-là, comme un con, j'ai dit à Héloïse d'Ormesson, je vais le faire. Et voilà comment c'est arrivé. Donc j'ai écrit en un mois top chrono Resident Evil, après les heures de bureau chez De Noël, au café. Le jeu vidéo aussi, c'est important, vous le dites, vous êtes joueur vous-même. C'est quoi vos jeux? Vous jouez à quoi, Gilles Dumais? Là, je rejoue de nouveau à Witcher 3. On peut refaire en long, en large, en travers. Surtout qu'il y a des quêtes que j'avais pas faites, etc. J'ai acheté pas plus tard qu'hier Death Stranding. Qu'on attendait avec impatience. Je vais essayer ça. Vous pouvez nous dire un mot pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit? Là, franchement, j'ai fait le prologue, j'ai rien compris. c'est un monde post-apocalyptique bizarre avec des créatures étranges, et c'est l'histoire d'un livreur qui est joué par l'acteur principal de Walking Dead, que j'ai jamais vu, mais visiblement il est très connu. Le jeu est magnifique. Après, un jeu de randonnée, pourquoi pas. Enfin, ça a l'air Skyrim, non? simulateur de randonnée. Oui, Skyrim, c'est très bien. Death Stranding, c'est le jeu, j'ai perdu le qui est développé par Kojima Productions, qui est sur PlayStation, et par Hideo Kojima, qui avait fait ça. C'est en train de Metal Gear Solid. Voilà, Metal Gear Solid, absolument. Ça m'échappait. Ça vous tente pas, par exemple, ça comme expérience d'écrire un jeu vidéo, d'écrire un scénario pour un jeu vidéo? Pas le temps. C'est toujours la... Non mais je vous demande, je vous pose pas la question du temps, je vous pose la question de l'envie. Peut-être. Je sais pas. On m'a jamais proposé. Par exemple, le travail de David Cage, de Quantic Dream, ce genre de jeu-là, un peu très très narratif, ça vous intéresse? Je connais pas. Vous connaissez pas. Non. Donc Witcher 3. Witcher 3, oui. Et la suite alors, Thomas Day, Gilles Dumais, est-ce que, donc on l'a dit, hein, les auditeurs attendent du roman, ils veulent que vous écriviez de la science-fiction, ça veut dire qu'il va y avoir un deuxième tome de Macbeth, roi d'Écosse. Ouais, en avril, je crois, en avril ou mai, oui. Et ensuite, des nouvelles, des romans, il y a des choses que vous avez dans les tiroirs, il y a des choses que vous avez envie d'écrire. Il y a beaucoup de projets de BD chez Glénat qui sont plus ou moins avancés, donc là j'en ai pour 4 ou 5 ans, je pense. Et non, j'ai pas prévu d'écrire de nouvelles ou de romans. J'ai que 7 ans de retard sur mon dernier roman pour le Bélial, donc. Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est en cours d'écriture. Oui, oui, il doit manquer 100 pages, mais il manque 100 pages depuis 7 ans, quoi. Donc, et je suis parti spécialement en Écosse pour écrire dessus. J'ai écrit un peu, mais sans plus. Et non, mais l'album Michel Imaginaire, c'est vraiment, vraiment un boulot à temps complet. Il y a pas moyen de faire autrement. Vous pouvez nous dire un mot de ce roman dont il manque 100 pages ou pas? C'est un roman sur les dragons, mais écrit de façon assez bizarre. C'est plusieurs nouvelles qui forment une trame narrative. Et ça parle des dragons, mais ça parle aussi des anges. Enfin, c'est un truc étrange. C'est assez brutal. Encore une autre facette de l'exploration de la violence. C'est toujours sur la violence. Parce que vous disiez à propos des nouvelles, je suis devenu tellement insatisfait de ce que je fais que finalement je n'écris plus de nouvelles. Pourquoi insatisfait? J'y arrive pas, parce que ça me prend, je sais pas, ça va me prendre 2 jours pour écrire une page. j'ai perdu complètement. À une époque, j'avais une écriture qui était, entre guillemets, explosive. J'écrivais 20 pages dans la journée, comme un malade, en cassant des claviers. Toujours dans la violence, donc. Ouais, toujours dans la violence. Et maintenant, j'arrive à écrire 2 phrases dont je suis content, je suis content. Donc, voilà. Et puis ça reste 2 phrases dans l'ordinateur. J'ai complètement perdu cet élan et ça reviendra peut-être, mais je m'éclate tellement dans mon boulot d'éditeur, je m'éclate tellement dans mon boulot de scénariste de BD. Il y a tellement de projets qui sont arrivés en BD, j'en suis refusé des projets de BD, c'est insensé, alors que j'adore ça, quoi. Donc écrire des livres, c'est trop compliqué, c'est devenu trop compliqué pour moi. Il va falloir que vous disiez à ce Gilles Dumais d'arrêter de parler de Thomas Day, parce qu'il dit que des choses désagréables. Il dit aussi, j'ai l'impression que c'est ça ma culture du mélange, du remix. Je n'ai jamais eu la moindre idée originale de ma vie, et si j'en avais une, ça se saurait. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, j'aime bien prendre une icône, que ce soit Sherlock Holmes ou que ce soit Miyamoto Musashi, et j'aime bien le faire à ma sauce. Mais c'est pas une idée, ça. C'est juste une appropriation culturelle. Et donc à ma sauce, c'est un peu plus que ça quand même. Globalement, c'est mettre de la violence et du sexe, quoi. Quand j'avais fait mon Sherlock Holmes, qui est complètement psychopathe et qui prend des tas de drogues et qui essaie des tas de trucs et qui a une vie de famille improbable, c'est tout le contraire de l'idée qu'on se fait de Sherlock Holmes. Donc, mais je l'ai fait à ma sauce. C'était du Sherlock Holmes punk. Un mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, sur les prochaines publications chez Albin Michel Imaginaire, qu'est-ce qui va sortir ou qu'est-ce qui est en train de sortir? Les deux derniers, c'est Rivage de Gauthier Guillemin, qui est une fantasy altermondialiste, on va dire. Les Portes Célestes de Jean-Michel Rey, qui est le second volet de sa trilogie de space opéra. Et en janvier 2020, je publie un roman de C. Robert Cargyle, Un océan de rouille, qui est un mix improbable entre Terminator et Wall-E. Et dans ce qui est déjà publié, donc on aura bien noté Neal Stephenson. Il y a autre chose que vous voulez conseiller particulièrement, si dans tout ce que vous avez publié, le choix impossible. On est à la méthode scientifique, donc faut conseiller Sémiosis de Suberg sur l'exploration d'une planète étrangère, la découverte d'une nouvelle vie, d'une nouvelle forme de vie, d'intelligence extraterrestre. Il y a un très beau roman féminin, féministe, et aussi plein d'espoir sur l'avenir. qui est sur ma table de nuit et que je n'ai pas encore eu le temps de commencer. Merci beaucoup, Gilles Dumais. Merci d'être venu. C'était moi super de pouvoir discuter une heure avec vous. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Évidemment, hein, on vous met le lien vers les romans sur le fil Twitter de l'émission et sur la page sur franceculture.fr. Merci à Eve Etienne, Céline Lozen, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Alexandra Delbo, Olivier Bétard, qui est à la réalisation, et Clément Daté, qu'on salue aussi à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de La Méthode Scientifique, lundi, nous parlerons des lombriques. Mardi sera question des trous noirs primordiaux. Mercredi, nous parlerons de la nationalisation d'Internet. Jeudi, nous aurons la chance de recevoir en invité spécial Lys Molin, qui est le théoricien de la gravitation quantique à boucle. Et ce sera un vendredi actu. Demain à 16h, c'est le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.